Hey, hey, yeah. Hey, c'est Jackie et Benji. Calmement. La musique, ma passion, ma destinée. Entends pas ou quoi? Je poursuis ma destinée. La musique, le plus beau métier. Celle d'un jeune qui très tôt découvrit la musique. Oui, dès mon plus jeune âge, j'entends ce mouvement unique. Vers les rythmes typiques d'Afrique, de Jamaïque, jusqu'au son des Caraïbes, d'Europe et d'Amérique. C'était ça la musique. J'en étais fasciné. Je sentais monter l'âme d'un fidèle et d'un passionné. Hey, depuis, on ne s'est plus quitté. Je conjugue une parfaite harmonie. Dieu merci, on a la chance de pouvoir vivre de nos chansons. Mais qui s'en serait douté? Oui, ça nous étonne tous. De voir que le public apprécie. Oui, ça le fait de voir tout le monde debout. Ça nous impressionne tous. Aujourd'hui, je ne vis que par elle. Je m'épanouis par elle. Je ne rêve que par elle. Pour moi, c'est essentiel. Ma vie ne serait plus la même sans elle. Ma musique, je l'aime. Je l'aime. Je poursuis ma destinée. La musique, le plus beau métier. J'suis né avec un mal comme un j'suis sorti en chantant. Déjà tout piche, j'avais dans mon berceau. C'est vrai, j'étais précoce, moi j'avais le son dans la peau. Et il était dit, c'était écrit, que la musique ferait entièrement partie de ma vie. Si la musique est une femme, c'est la plus belle du monde. Si ce que j'fais est un tas, c'est le plus beau métier au monde. Après tant d'années, toujours les mêmes envies. La gouache, le panache et la même énergie. C'est le fabuleux destin de Jackie et Benji. Total alchimie entre deux jeunes beautés si est. Je continuerai de chanter pour les miens. Représenter ce débloque et ma shop dans tous les coins. Tout serait là, eh. On restera présent, on n'est pas un groupe à la mode. Notre marron traverse le temps. Je poursuis ma destinée. La musique, le plus beau métier. Et ma vie, tu l'as compris. Une nourriture pour mon âme, une ressource pour mon esprit. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai la chance d'en faire usage pour gagner ma vie. Je chante pour mon plaisir et pour celui de toute la public. Grâce à qui j'évolue et qui nous soutiennent depuis des prémices. Et même si le temps passe, l'histoire nous verra durer. On a encore trop de choses à dire, trop de choses à prouver. Je suis pas filé à ce fog, mais grâce à la musique, j'ai pu faire le tour du monde. Véhiculer mes idées dans les MJC jusque dans la France profonde. Et aujourd'hui je n'ai rien à envier. C'est vrai, je l'avoue, on est des privilégiés. La musique, le plus beau des métiers. Que l'histoire continue sans s'arrêter. Telle est ma volonté. Merci. Je poursuis.